Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on continue un tour d'horizon de l'actualité scientifique avec une nouvelle stratégie pour combattre la grippe. Alors, des chercheurs ont développé une nouvelle thérapeutique pour combattre la grippe. Au lieu de cibler le virus de la grippe, ils ont bloqué une protéine qui a empêché le système immunitaire d'induire l'inflammation dans les tissus infectés. Alors, explique-nous ça, François. Oui, alors la grippe est une maladie saisonnière fréquente. Mais heureusement, elle ne cause pas trop de dommages la plupart du temps. Somme toute, la grippe et ses complications peuvent entraîner le décès de 4 000 à 8 000 Canadiens par année selon la gravité de la saison. À l'échelle mondiale, on est plutôt de l'ordre du demi-million. Ce sont principalement les nourrissons ou les personnes âgées qui sont les plus touchées puisque l'immunité n'est pas pleinement efficace aux deux extrémités de la vie. Pour les formes sévères de la maladie, il existe des traitements. Ce sont essentiellement deux antiviraux, le Tamiflu et le Relenza. Leur mode d'action est le même. Tous deux s'attaquent à la neuraminidase, une protéine du virus qui contribue à sa dispersion dans l'organisme. Mais il y a un problème. Le virus se mute vite et certaines souches de la grippe H1N1 montrent des signes de résistance. De plus, pour qu'ils soient efficaces, ils doivent être pris au début de l'infection. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire si on ne veut pas utiliser le Tamiflu ou en tout cas les autres antivirus? Quelle est l'alternative? Alors, des chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique affilié à l'Université Claude Bernard de Lyon ont creusé une piste nouvelle et prometteuse pour combattre la maladie. Elle consiste à empêcher le système immunitaire d'induire une inflammation au niveau des cellules infectées. Oui, mais là, ça faut que tu nous expliques un peu plus. Alors, retournons un peu en arrière. Le lien qui unit la grippe et l'homme remonterait à 4500 ans environ. Même si ça fait longtemps que l'humanité est aux prises avec cette infection récurrente, on ne connaît pas tout de la pathogénèse de la maladie. Plusieurs études ont tout de même montré une corrélation entre le degré d'inflammation des poumons et la mortalité. Cette observation suggère donc que les symptômes de maladie proviendraient non pas du virus lui-même, mais plutôt de la réponse immunitaire dirigée contre les cellules infectées. D'accord, donc c'est de là que ça vient l'idée de cibler la protéine qui contribue à l'inflammation. Effectivement, les recherches dont il est question ici, publiées dans le Journal of Clinical Investigation, sont cohérentes avec cette hypothèse. Dans un premier temps, les chercheurs ont activé chez des souris la protéine PAR1, à l'aide d'une substance mimant ses effets. On suppose que cette protéine, qui est également retrouvée dans les cellules humaines, se retrouve à l'origine d'une succession d'événements qui aboutissent à la réaction inflammatoire causée par les défenses de l'organisme. Alors, effectivement, les rongeurs ainsi traités ont présenté une importante inflammation des poumons et un taux de survie en baisse. D'accord. Donc, la protéine PAR1 serait dans la cascade d'événements qui déclenchent l'inflammation, si je comprends Exactement. Bien. Donc, si on donne ces protéines aux souris, elles déclenchent l'infection. Donc, ça veut dire que... Et donc, ça contribue finalement à la sévérité de la grippe. Alors, ça veut dire que si, au contraire, on inhibe cette protéine, on pourrait soigner la maladie? Alors, c'est sur cette piste que les chercheurs se sont lancés. Des doses mortelles du virus ont été inoculées à des souris de deux types. Certaines ont été conçues pour ne pas exprimer la protéine par un, tandis que d'autres, des souris tout à fait classiques, ont reçu un traitement de base d'une molécule bloquant l'effet de la protéine, donc un inhibiteur de la protéine par un. Et ça a donné quoi? Alors, dans les deux cas, le résultat a été identique. Les souris étaient protégées contre la grippe, quelle que soit la souche testée, qu'on pense à la H1N1, la H3N2, la H5N1 et la H1N1 résistante au Tamiflu. Ah oui. De plus, aucune trace d'inflammation n'a été observée pendant les 48 à 72 heures qui ont suivi l'injection des virus. Les chercheurs de l'Institut ont peut-être trouvé une nouvelle stratégie pour se débarrasser de la grippe. Au lieu de cibler le virus, ils évitent aux cellules de l'hôte de diriger son action contre le patient. Ouais. En fait, le virus de la grippe pourrait ne pas être pathogène en lui-même, mais la réaction immunitaire qu'il provoque crée une réaction inflammatoire déclenchée par la protéine PAR1 qui est à l'origine de tous les symptômes de la maladie. C'est ça. En fait, c'est pas le virus en lui-même, mais la réaction inflammatoire qui est dangereuse. C'est ça. Okay. C'est ça. Je savais pas cette histoire-là. Par exemple. C'est étonnant, effectivement, que ce soit notre réaction qui est comme trop violente. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, cette découverte-là, ça ouvre de nouvelles pistes pour lutter contre la grippe. Oui, parce que le fait d'éviter l'assaut frontal avec le virus et de diriger l'action d'un traitement contre la réponse inflammatoire du patient limite les risques de résistance aux médicaments, tout en créant une alternative intéressante aux, antiviraux classiques. Autre avantage qui permettrait de gagner beaucoup de temps, cet inhibiteur de la protéine PAR1 est déjà en phase 3 d'essai clinique. Dans le cadre d'autres thérapies. Qui implique peut-être aussi des inflammations, justement. Probablement, j'imagine. Ça, j'avais pas de détails là-dessus. Mais on sait déjà que la molécule est bien tolérée par l'organisme humain. Il reste seulement à confirmer si elle se montre tout aussi efficace pour traiter la grippe chez l'homme que chez la souris. Ben, c'est très intéressant. Tout à fait. Et on va rester dans le deuxième, dans le domaine de la médecine. Et cette fois-ci, voir comment elle peut s'inspirer des aiguilles du porc-épic. En fait, les aiguilles du porc-épic d'Amérique du Nord des propriétés uniques. Donc, elle pénètre la peau des victimes deux fois plus facilement que l'aiguille d'une seringue et elle demande quatre fois plus d'énergie pour en être retirée. Donc, cette double compétence pourrait être exploitée en médecine pour développer des piqûres moins douloureuses ou des pansements plus efficaces. Effectivement, la nouvelle ne manque pas de piquants. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le porc-épic d'Amérique du Nord est bien armé face à ses prédateurs et qui s'y frotte risque de s'y piquer dangereusement. En fait, les porcs-épics sont de paisibles rongeurs qui sont protégés de leurs prédateurs grâce à une armure de 30 000 piquants qui peuvent être dressés sur leur dos. Alors, si ces épines pénètrent dans la peau de l'orgueilleux agresseur avec une déconcertante facilité, il faut déployer une énergie importante pour les retirer. En plus des dégâts qu'ils peuvent occasionner, une épine qui reste plantée plusieurs semaines peut causer une septicémie, c'est-à-dire un empoisonnement du sang, qui cause la mort. Au microscope optique, on peut voir que l'extrémité d'une épine est comme une structure en écaille qui sont en fait autant de petits piquants qui facilitent la pénétration dans la peau et qui font aussi office d'hameçon lorsqu'on veut la retirer. Ah, c'est ça. C'est ça le. C'est pour ça que c'est dur à retirer. Ouais. Exactement. Donc, sur les 4 derniers millimètres d'une épine, on retrouve de 700 à 800 petits pics qui pointent vers sa base. C'est d'ailleurs un des éléments qui distingue le porc-épic d'Amérique du Nord de son cousin africain qui possède en revanche, lui, des aiguilles trois fois plus longues, c'est-à-dire jusqu'à 30 cm. Il est bien armé aussi. Donc, ce sont donc ces picots microscopiques qui confèrent au poil de porc-épic une double compétence, comme le révèle le journal The Proceedings of the National Academy of Sciences, et qui laisse entrevoir une amélioration de certains dispositifs médicaux, comme des piqûres moins douloureuses ou des pansements avec un meilleur pouvoir cicatrisant. Et comment les scientifiques s'y sont-ils pris pour déterminer ça? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette idée-là? Alors, les chercheurs de l'école de médecine de l'Université de Harvard à Boston ont comparé la force de pénétration et d'extraction de ces épines dentées avec d'autres épines identiques auxquelles on a retiré les pics. Ils l'ont comparé aussi avec des seringues et avec des épines de porc-épic africain. Soit dit en passant, aucun animal n'a été maltraité durant l'expérience parce que les victimes, finalement, étaient simplement des échantillons de peau de cochon. J'imaginais le pauvre, le pauvre témoin, là, le pauvre patient qui devait subir les tests. Le test, c'est ça. Donc, les chercheurs ne s'attendaient pas à de tels résultats. Il faut de 60 à 70 % de force en moins pour qu'une épine et ses piquants transpercent la victime comparée à des aiguilles dépourvues de dents. Et la seringue, elle, fait un peu mieux, mais reste quand même deux fois moins efficace. Alors, comment ça s'explique, finalement? Parce que c'est quand même assez inattendu, vu que la pointe de l'aiguille du porc-épic est moins effilée. On a un peu de mal à comprendre qu'elle rentre mieux que qu'une aiguille de, seringue. Mais pour les chercheurs, ces tout petits pics agissent comme des dents sur une lame de couteau. En concentrant la force sur leur extrémité, chacun d'eux facilite la pénétration de la même manière qu'on découpe plus facilement un morceau de viande avec une lame dentelée plutôt qu'avec une simple lame. Alors, c'est un avantage qui pourrait être intéressant pour une application médicale. Alors, un tel processus abîme moins les tissus. Quand vient le temps de retirer l'aiguille maintenant? La résistance des épines de porc-épic d'Amérique du Nord est quatre fois plus importante que ses concurrents, car les picots qui ornent leur extrémité jouent, cette fois, le même rôle qu'un hameçon. Mm-hmm. Comme on le disait tout à l'heure. Ouais. Alors, ce contenu dans le dernier millimètre de l'épine concentre à eux seuls 50% des forces de résistance. Mais ça, seulement c'est... que sur le dernier millimètre. Ouais. Mais ça, c'est peut-être pas un avantage quand on veut retirer la seringue. Par contre, si on veut... Ça rendra bien, mais oui. Pour retirer la seringue, c'est peut-être pas un avantage. Effectivement. Par contre, c'est peut-être un avantage pour faire, comme en introduction, comme des pansements qui resteraient bien accrochés, peut-être. Ou, oui. Oui, c'est un fait. En fait, les médecins ont pensé en fait, ils explorent plusieurs pistes. En cas de blessure, par exemple, les pansements rapprochent les tissus à l'aide d'une colle chimique, parfois toxique, qui déclenche des inflammations aussi. Un nouveau système muni de dents microscopiques pourrait s'avérer plus efficace et bannirait la substance gênante. Un peu dans le même ordre d'idée, il y a aussi les points de suture. Ah ouais. Des agrafes actuellement utilisées tiennent du fait de leur enfoncement profond dans les tissus. Si les conséquences sont minimes au niveau de la peau, ben elles causent parfois des dégâts plus graves dans les organes internes. Mm-hmm. Pour les chercheurs, des agrafes plus courtes munies de petits piquants pourraient être tout aussi bien remplir leur fonction, mais présenter moins de danger pour le patient. Enfin, si on ajoute à ces pistes des patchs jusqu'à 30 fois plus adhésives ou des aiguilles de seringues moins douloureuses, mais on peut faire une idée. On peut se faire une idée de la façon dont le porte-épic pourrait en fait modifier notre quotidien dans l'avenir. Oui, c'est fort intéressant ça. Puis c'est aussi inattendu, une autre nouvelle assez curieuse, insolite. Effectivement. Donc, ça nous fait penser que finalement, ce qui se fait mieux de mieux. Ça existe déjà dans la nature. Oui, parce que le passé... elle a eu le temps de travailler, d'y penser. De se raffiner, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, François. Avec plaisir. Et maintenant, on passe en pause publicité et vous écoutez toujours CKRL au 89.1.